avant la foire, le bordel, on n'y voit même pas avec des jumelles. Ma vie d'avant, avant les usines, le crachin, la grande tour au-dessus des faubourgs. Ma vie d'avant, avant le périphérique qui nous en sert et les magasins qui se serrent. Ma vie d'avant, avant la foire, le bordel, avant elle, avant de m'être fait piétiner la gueule. Avant les maisons alignées qui s'avancent tout droit sur le quai. Ma vie d'avant, avant la rivière en bas avec ses immondices qui se débat. Ma vie d'avant, avant la décharge en fumée léchée par les grands châtaigniers. Ma vie d'avant, avant les piétons qui se lassent au bord des tirils recouverts d'herbes grasses. Des usines au périphérique, des faubourgs à la petite place, des immondices à l'herbe grasse. Bienvenue. Il y a de si jolies couleurs sur ton visage. Avant les usines, le crachin, les magasins qui se serrent. Ma vie d'avant, avant la grande tour au-dessus des faubourgs, avant les maisons alignées, avant la rivière, avant les châtaigniers, avant la petite place, avant que l'on se lasse. Oh, ma vie d'avant. Couverte d'herbes grasses.